Les rendez-vous de souvenirs du camarade Kim Jong-il ont eu lieu en Autriche, en Suisse, en Allemagne, en Tchèque et au Venezuela. Et on prépare les personnalités de différents milieux et autres habitants des pays hôtes. Les orateurs ont dit que le général Kim Jong-il est le grand penseur et théoricien incomparable et dirigeant sans pareil qui a développé les idées du Tutsi et idées de Sun Gun et les a matérialisées brillamment dans la révolution et le développement du pays. Ils ont ajouté qu'il est le commandant prestigieux à la volonté d'acier qui a défendu fermement le socialisme de la Corée en dépit de toutes les démarches des forces hostiles comme les États-Unis et appelé tout le peuple à l'édification d'une puissance socialiste et le doyen politique du monde qui a opéré un nouveau tournant décisif de la réunification de la patrie et promu victorieusement la cause d'émancipation de l'humanité.